Ce serait une goutte. Ce serait une goutte qui dessillerait tes yeux au moment du réveil. Ce serait une terre qui garderait l'odeur des secrets en suspens. Ce serait un sourire, échangé sans l'angoisse de rester innocent. Mais on donne le change, pour ne pas compromettre le placement des frontières. Parce qu'il faut conserver un exil possible.